ça fait quoi, elle? Avance, putain de ta mère, là. Oh, wesh, mon pote. Wesh, bien quoi? Wesh, tranquille. Ouais, tranquille, hein, ça fait quoi, là? Ah, ça rôde, frère, vas-y, monte, la famille. Si, si. Wesh, tu vas où? Ah, je vais au quartier. Si, si, vas-y, monte. Mais vas-y, nique ta mère, toi, sale pute, va. Nique ta mère. Espèce de salope. Ouais, sinon, tranquille ou quoi? Ah, tranquille, hein. Wesh, je le connais ce son là. Vas-y, remets un zéro là. C'est pour les mecs du quartier, ça? Si, si, hein, voilà, t'inquiète, juste sur sa mère. Si, si, j'ai entendu, t'inquiète pas. Vas-y, remets-moi ça à zéro là. Vas-y, vas-y, je vais péter le son, frère. Si, si. Ah, LMZ. Et tout plus 7. Chef district, frère. Alors comme ça tu fais le bandit, que t'as vendu, tu finis pendu dans les rues où on a grandi. Ici c'est le territoire, on compteur que des victoires. T'es un raconteur d'histoire, tu manges le trottoir. C'est jamais trop tard pour faire des yebis, mais ce bis, y'a un truc zarbi, te fais pas yégri. Le monde est stone, du cannabis à ton lémis, michtone. Écarte les cuisses comme Sharon Stone. La cam est folle, les cités en raffolent le shit, un en bricole. Et fait du chiffre au crédit agricole. Au quartier c'est la zère. Les petits deviennent des armoires, percent les réservoirs, t'écrases sans permis. Que des flamands bravés, des grades, des crânes rasés, des refusés rusés qui roulent des fusées. Mon maxi est dans les bacs, un accident pour la FNAC. Excédent dans les grosses claques, c'est zéro sans ma plaque. C'est pour tous les vrais frères qui préfèrent faire des affaires pour reprendre ce qu'on leur a volé. C'est pour toutes les mères en pleurs, j'ai su les larmes de mes sœurs. Ici des âmes se sont envolées. C'est pour tous mes potes en prison, victimes de trahison. Que nous mémorisons dans notre raison. Que des schizos dans ma zone, que des 6 gros dans mon zoo. Le 6-0 c'est mon réseau. Le 6-0 c'est mon réseau. Beaucoup de mes frères ont perdu la raison. Beaucoup de prisons à l'horizon. Ça planque la résine à la maison. Je réside, c'est l'usine. Nous bisons et nous baisons. Au bureau de l'OPJ, nous nous taisons. Des kilos de tushy en cargaison toute la saison. On touche à tout, mais jamais nous cesserons. Monter notre France si all best. Ils nous suceront. NUMZ au micro, y'a pas confusion. LAZ en fusion, ton gang nous te le fusion. H24 soupir, parfois sous-tise. On ne se soigne pas avec du deal. Dis pas de sottise. Si ma salope est des rébellions, je la rends soumise. Avec moi tu chopperas pas le melon, mais une banane surprise. On va te m'aider si tu touches à mes NUMZ featuring LAZ. C'est pour tous les vrais frères qui préfèrent faire des affaires pour reprendre ce qu'on leur a volé. C'est pour toutes les mères en pleurs, j'ai su les larmes de mes sœurs. Ici des âmes se sont envolées. C'est pour tous mes potes en prison, victimes de trahison. Que nous mémorisons dans notre raison. Que des schizos dans ma zone, que des 6 gros dans mon zoo. Le 6-0 c'est mon réseau. NUMZ et la Z, tu veux du sexe sans les latex. Ramène des Kleenex, il reste du sperme sur ton ex. Exterminer les petites putes, c'est terminé. Non, je rigole, c'est pour rimer. Y'a pas trop le temps de s'éterniser, frère. Organisé, frère. Agonisé par terre, je vise les supporters, je les brise en mode 22 LR. Ça a l'air dur quand tu t'affectes un faux salaire. C'est triste à dire, mais le rap français se trimballe les fesses à l'air. Pas de faux salaire, tu fais le pire, mes boys, tu vas en perdre. Perturbateur dans tout secteur, je suis meilleur buteur. En beauté sans plus de l'air, précis comme un cutter. J'arrive sur le beat à base de coups de marteau piqueur. La piqueur, mon écriture, une drogue dure que je prends cul. La biture, la biture sur ton cul, fais des passes si tu. Dur, suicidaire, suicidaire. Et si je tarde à arriver, c'est que j'ai croisé plus de 6 stars.